Groupé sous le titre « Dernier vers », écrit entre 1886 et 1887, voici deux autres poèmes de Jules Laforgue. « L'hiver qui vient ». Blocus sentimental. Messagerie du Levant. Ô tombée de la pluie. Ô tombée de la nuit. Ô Levant. La Toussaint. La Noël. Et la nouvelle année. Ô dans les bruines. Toutes mes cheminées. D'usine. On ne peut plus s'asseoir. Tous les bancs sont mouillés. Crois-moi, c'est bien fini jusqu'à l'année prochaine. Tous les bancs sont mouillés. Tous les bois sont rouillés, et tous les corps ont fait tonton, ont fait tontaine. Ah, nuées accourues des côtes de la Manche, vous nous avez gâté notre dernier dimanche. Il bruine, dans la forêt mouillée, les toiles d'araignées ploient sous les gouttes d'eau, et c'est leur ruine. Soleil plénipotentiaire des travaux en blanc pactole, des spectacles agricoles, où êtes-vous ensevelis? Ce soir, un soleil fichu gît au haut du coteau, gît sur le flanc, dans les genêts, sur son manteau. Un soleil blanc, comme un crachat d'estaminé, sur une litière de jaune genêt d'automne. Et les cors lui sonnent, qu'il revienne à lui. Taillot, taillot, et à la lit. Ô triste antienne, as-tu fini? Et font les fous. Et il gît là, comme une glande arrachée dans un cou, et il frissonne, sans personne.